Il écrivit à chacune de ses sœurs, en leur demandant leurs économies, et, pour les leur arracher, sans qu'elles parlassent en famille du sacrifice qu'elles ne manqueraient pas de lui faire avec bonheur, il intéressa leur délicatesse en attaquant les cordes de l'honneur, qui sont si bien tendues et résonnent si fort dans de jeunes cœurs. Quand il eut écrit ses lettres, il éprouva néanmoins une trépidation involontaire. Il palpitait, il tressaillait. Ce jeune ambitieux connaissait la noblesse immaculée de ces âmes ensevelies dans la solitude. Il savait quelle peine il causerait à ses deux sœurs, et aussi quelle serait leur joie. Avec quel plaisir elles s'entretiendraient en secret de ce frère bien-aimé au fond du clos. Sa conscience se dressa lumineuse et les lui montra, contente en secret leur petit trésor. Il les vit déployant le génie malicieux des jeunes filles pour lui envoyer incognito cet argent, essayant une première tromperie pour être sublime. Le cœur d'une sœur est un diamant de pureté, un abîme de tendresse, se dit-il. Il avait honte d'avoir écrit. Combien seraient puissants leurs vœux, combien pur serait l'élan de leurs âmes vers le ciel. Avec quelle volupté ne se sacrifierait-elle pas? De quelle douleur serait atteinte sa mère si elle ne pouvait envoyer toute la somme? Ses beaux sentiments, ses effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelon pour arriver à Delphine de Nucingen. Quelques larmes, derniers grains d'encens jetés sur l'autel sacré de la famille, lui sortirent des yeux. Il se promena dans une agitation pleine de désespoir. Le père Goriot, le voyant ainsi, par sa porte qui était restée entrebâillée, entra et lui dit « Qu'avez-vous, monsieur ?»« Ah, mon bon voisin, je suis encore fils et frère, comme vous êtes père. Vous avez raison de trembler pour la comtesse Anastasie. Elle est à un monsieur Maxime de Trailles qui la perdra. » Le père Goriot se retira en balbutiant quelques paroles dont Eugène ne saisit pas le sens.